بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. On avait terminé la dernière fois, on avait revu, on avait relu le hadith de Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه où Prophète صلى الله عليه وسلم il l'a questionné sur concernant le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait lu l'explication de ce hadith et la signification du droit surtout des serviteurs sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on rappelle juste que le but de ce premier chapitre, il est wallahu alam, le shir, il a voulu montrer l'importance du tawhid, son statut, sa place dans l'islam, et que le tawhid, c'est la chose qui vient avant toute chose, et qu'on appelle ça asal, la base de la religion. Comme d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé dans le Coran, ce qu'il a comparé le kalimat tayyiba, c'est-à-dire la ilaha illallah, il a comparé ça à un arbre, c'est-à-dire un arbre dont les racines sont la ilaha illallah, c'est représenté par les racines qui sont dans le sol. Si ça c'est solide, tout ce qu'il y a au-dessus c'est construit ou c'est bâti sur des bases solides. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça asl al-din. Parce que l'asl dans la langue arabe, ils disent ma yubna alay ghayruhu. Donc c'est ce sur quoi on construit, ce sur quoi on construit quelque chose. Ça c'est des bases. Et donc ce tawhid là, c'est la chose la plus importante dans la mesure où la validité et l'acceptation du reste des œuvres repose et dépend de la validité du tawhid. Ça, c'est ce que le shir, il a voulu montrer à travers ces versets qu'il a cités et le hadith qu'il a cité, c'est ce qu'il a voulu montrer. Même si dans certains de ces textes-là, on comprend aussi le sens du tawhid. On comprend le sens de la ilaha illallah. Le tawhid, c'est le sens de la ilaha illallah. Et dans ces versets-là, on trouve aussi, on comprend bien le sens de la ilaha illallah à travers ces textes-là. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont vu, comme on l'avait dit, Sulayman ibn Abdullah, rahimahullah, le premier qui a écrit une explication de Kitab al-Tawhid, Taysir al-Aziz al-Hamid. Lui, il voit la vie du shir Sulayman, c'est que le shir, il a voulu montrer dans le premier chapitre le sens du tawhid, le sens de la ilaha illallah. Mais il y en a d'autres qui ont, on va dire, répondu en disant que c'est peu probable dans la mesure où, comme on l'avait dit, le shir, il a réservé un chapitre bien spécial, le sixième, pour expliquer le sens de cette shahada. Donc c'est peu probable qu'il ait consacrer deux chapitres au même sens, au même sujet. Mais ce qui est le plus probable, c'est que le premier, il sert encore une fois à montrer l'importance du tawhid et le statut du tawhid dans la religion de l'islam. On va commencer à lire le deuxième chapitre, donc qui s'appelle que le shir il a appelé bab ou fadli tawhidi wa ma yukaffiru من الذنوب أما يكفر من الذنوب. Donc le chapitre du mérite du tawhid et de son expiation des péchés. Donc dans ce chapitre là on va voir que le shir il ramène des textes, un verset et plusieurs hadiths pour montrer le mérite du tawhid et en quoi il profite au muwahhid, donc à celui qui a pratiqué le tawhid et qui est mort muwahhid, quel bienfait ça lui apporte par rapport à celui dont ce n'est pas le cas. Il dit وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ, comme il va l'expliquer après, il dit et son expiation des péchés. Et là on peut dire que ça, comme les ulama disent, on appelle ça « atf al-khas al-al-am ».« Atf al-khas al-'alam. C'est-à-dire que le tawhid, il a plusieurs mérites, dont le fait d'expier les péchés. Donc ce qu'il a cité après, le waw, c'est ça waw, on appelle ça harf atf. Donc c'est quand on va joindre une chose à une autre. Mais là, c'est le fait de lier une chose qui est plus particulière, mais qui rentre dans la globalité de ce qui a cité avant. C'est-à-dire que le fait, l'expiation des péchés, de l'ensemble des péchés, ça fait partie des mérites du tawhid. Ça fait partie des mérites du tawhid, comme on va le voir dans le chapitre. Donc le Muhashi rappelle Abd al-Rahman ibn Qasim, donc c'est lui qui est l'auteur de la Hashia, donc de l'explication qu'on a là sur Kitab al-Tawhid. Il dit Bab khabar mubtada mahzouf taqdiruhu hadha bab. Ça c'est un petit point de grammaire, c'est qu'en général dans les titres, si on regarde les titres, en général, c'est jamais ce qu'on appelle jumlatun mufida. Il faut se dire bab ou fadlu tawhid, le chapitre donc du mérite ou démérite du tawhid. C'est pas une phrase, c'est pas une phrase complète dans la langue arabe, ce qu'on appelle jumlatun mufida ou kalam. Il manque quelque chose et donc on doit on doit déterminer quelle est cette chose-là qui manque dans la phrase, ou du moins qui n'apparaît pas. Encore une fois, on sait qu'en arabe, plus la parole elle est courte, et plus elle est éloquente. Et quand il y a des choses dans la parole que la personne à qui on s'adresse peut comprendre sans qu'on cite ces choses-là, alors il est plus éloquent de les enlever. De les retirer, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas, elles y sont, le sens y est, mais on les retire. C'est ce qu'on appelle, ce qui veut dire par mahdouf. Khabar mubtada mahdouf, c'est-à-dire que le khabar, c'est bab fadl al-tawhid ma kafir min al-dhunub. Mais il manque le mubtada. Le jumlat al-ismiya, la phrase nominale, elle est composée du mubtada, du premier mot et du khabar. Ici, le khabar, c'est le titre. Comme on le voit, bab fadl al-tawhid al-mubtada, on dit que c'est hadha. Et donc, il a été retiré, mahdouf, il a été retiré. Hadha bab fadl al-tawhid. Il dit, wa yajouz an yakuna mubtada khabarihi mahdouf. Mais on peut aussi dire que c'est le mubtada et que le khabar, il a été enlevé. À la kulli hal, c'est pas très important puisqu'on comprend d'une manière sans trop analyser grammaticalement le titre, on comprend le sens de ce qui est voulu. D'une manière globale, bon, ça c'est une petite faïda concernant la grammaire en arabe. D'une manière globale, en général, c'est le mubtada qui est enlevé, pas le khabar. En général, on enlève le mubtada, pas le khabar, parce que le mubtada, il est connu par celui qui écoute la parole. Ensuite, il dit wama. C'est-à-dire, là, ici, il vise babu fadli tawhid wama, wama yukafiru. Il dit wama, ici, il va expliquer qu'on peut analyser ma grammaticalement de deux manières. Il dit وَمَا يَجُوزْ أَنْ تَكُونَ مَوْصُولَ وَأَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَ أي باب بيان عظيم فضل التوحيد وتكفيره للذنوب وهو أشمل وأولى لرفع وهمي أن ثم وهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. Donc il dit ici, وما, on peut dire ou l'analyser grammaticalement et dire que ça fait que ça rentre dans le mawsoulat, c'est-à-dire qu'il est ismul mawsoul, c'est-à-dire qu'il a le sens de ladhi, al-ladhi, du babu fadli tawhidi waladhi yukaffiruhu min adh-dhunub. Ici, on est obligé de rajouter, si on fait ce taqdir-là, donc si on donne ce sens-là à main, on est obligé de rajouter un damir. Si on se rappelle de ça, on a vu ça en grammaire, ce qu'on appelle l'a'id. L'a'id, c'est-à-dire, yukaffiruhu, hu. On est obligé de rajouter hu, le damir hu. On l'appelle l'a'id parce qu'il revient à quoi? Al-ladhi. Il revient à al-ladhi. Wal-ladhi yukaffiruhu min adh-dhunub. Donc là, le sens du titre, ce serait chapitre du mérite du tawhid et wal-ladhi. Et donc, et des péchés qu'il expie. Ou du péché ou des péchés qu'il expie. Donc le mérite du tawhid et aussi chapitre de des péchés que le tawhid il expie. On prendrait ça comme ça. Mais il dit yumkin ou yajuz. Donc là, an yakuna masdariya, c'est-à-dire que ma ici, on l'appelle ma masdariya, c'est-à-dire que on peut remplacer, là, c'est ce qu'on appelle ta'wil masdar, c'est-à-dire que ma, si on dit qu'elle est masdariya, avec le verbe qui suit yukaffiru, qui est un fi'l mudari, un verbe mudari, ensemble on appelle ça le ta'wil masdar, c'est-à-dire qu'on peut le remplacer par le masdar. C'est ce qu'il dit après. Ay bab, babu bayani azimi fadli tawhid, wa takfiruhu wa takfirihi li dhunub. Wa takfirihi li dhunub. Donc là, le sens, ce serait le chapitre du mérite du tawhid et de son expiation des péchés, sous-entendu de l'ensemble des péchés. Et donc, on comprend là que le deuxième sens, il est plus juste. Donc, dire que ma, il est masdariya, c'est plus juste que de dire qu'il est mausoul. Pourquoi? Parce qu'on sait que le tawhid, quand il est pratiqué de manière complète, il expie l'ensemble des péchés, comme on va le voir dans ce chapitre-là. C'est-à-dire que dans la balance, si on met dans le plateau, comme on le verra dans le hadith qu'on appelle le hadith al-bitaqa, quand on met dans un plateau de la balance, on a vu la croyance en la balance, le mizan, dans le wasitiya. Cette balance-là, elle a deux plateaux. Un plateau pour les bonnes actions, un plateau pour les mauvaises. Et on se rappelle aussi que ça, c'est réservé aux mouahidines. Les kuffars, on ne pèsera rien puisqu'ils n'ont pas de bonnes actions à la base. Et donc, si on met le tawhid complet, là encore, on va voir que le tawhid, on le sait, il y a plusieurs niveaux. Tout le monde n'est pas au même niveau. Un tawhid complet, on peut mettre n'importe quel péché, évidemment, qui n'est pas du shirk akbar, dans l'autre plateau de la balance. Le tawhid, il sera toujours plus lourd. Et il effacera, du coup, les péchés de la personne. Ou il expiera les péchés de la personne. Et donc, c'est pour ça que le deuxième sens, de dire que ma est le masdariya, ou takfiruhu li dhunub, yani li jami'i dhunub. Ça, et son expiation de l'ensemble, c'est-à-dire l'expiation du tawhid de l'ensemble des péchés, c'est plus juste. Ça qui dit, wa huwa ashmal wa awla, ashmal, que ça englobe tous les péchés. Il dit, li raf'i, وهمن أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. Et dit aussi pour éloigner la mauvaise compréhension de croire qu'il y a certains péchés qui ne sont pas expiés par le tawhid. Évidemment, encore une fois, on enlève toujours le shirk akbar, parce que quelqu'un qui fait du shirk akbar, à la base, il n'y a pas de tawhid. Mais, en dehors de ça, n'importe quel péché, il peut être effacé, expié par le tawhid. À condition, encore une fois, que ce tawhid-là, ce n'est pas le tawhid de n'importe qui. On sait que parmi les muslimines, il y a des gens qui seront, qui sont sous la menace du châtiment, qui peuvent être châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est des gens qui ont commis des grands péchés, qui s'en sont pas repentis, et ces grands péchés-là, comme on le verra, ces grands péchés-là, ils affaiblissent le tawhid. Ils affaiblissent l'ikhlas. Ils affaiblissent l'yaqin, l'incertitude. Ils affaiblissent sidq, la sincérité. Ce qui fait que ce tawhid-là, il est affaibli. Et il n'est plus assez fort pour contrebalancer contre ces grands péchés-là. Là, on parle d'un tawhid de quelqu'un qui s'est repenti des grands péchés, qui commet peu ou pas de petits shirk. Là, ce tawhid-là qui peut expier n'importe quel péché, qui est plus lourd que n'importe quel péché. Après, en dehors du shirk akbar, évidemment. Non, voilà, c'est bon. Voilà, Raïb, il dit, continue. Voilà, Raïb, en tawhid, afdal al-a'mal ala l'itlaq. وأعظمها تكفيرا للذنوب ولما ذكر معنى التوحيد وكانت الأنفوس لها تشوق وتشوف إلى معرفة المعاني ونيل الفضائل وتحصيلها ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من الشرك. Et il dit, il n'y a aucun doute, le shir dit aucun doute que le tawhid, c'est la plus grande des actions. D'une manière totale, c'est le meilleur des actes, c'est le tawhid. Et c'est l'acte qui est le plus... qui expie le ou qui est le plus à même d'expier les péchés. C'est-à-dire c'est l'acte qui a le plus de force pour expier l'ensemble des péchés. Vous savez qu'il y a d'autres choses qui peuvent expier les péchés, comme la tauba, comme l'istighfar, comme les bonnes actions. Les hasanat qui vont effacer le sayyat. Il y a d'autres choses qui peuvent expier les péchés ou certains péchés, mais le tawhid, c'est l'action qui a le plus de force et qui est la plus à même à expier les péchés, l'ensemble des péchés, comme on l'a dit. Ici, il dit, et après avoir, donc dans le premier chapitre, c'est ce qui vise montrer le sens du tawhid, même si on a vu que le plus juste, Wallahu alam, le plus juste, c'est que l'intention du shir de Muhammad, rahimahullah, dans le premier chapitre, c'est pas de montrer le sens. Mais l'importance du tawhid à la kulli hal, il dit que une fois que la personne elle a compris ce que c'est le tawhid, parce que on a toujours envie de connaître le sens des choses. Quand on dit tawhid, on veut connaître le sens des choses, comprendre les choses, et on veut savoir aussi à quoi ça va nous mener. Et c'est pour ça qu'il dit que à ce moment-là, une fois qu'on a compris ce que c'est le tawhid, le munasaba, c'est-à-dire que c'est le bon moment pour évoquer aussi quels sont les mérites du tawhid et qu'est-ce que ça va apporter à la personne de réaliser le tawhid. Dire c'est quoi, qu'est-ce qu'elle va recevoir, c'est quoi ses mérites, c'est quoi sa récompense. Donc il convient le shir il a mis à la bonne place le fait d'évoquer les mérites du tawhid après avoir expliqué ce que c'est le tawhid et montré l'importance du tawhid. On comprend le tawhid, d'accord, mais à quoi le tawhid ça nous emmène? Ou alors si on dit que le premier chapitre c'est montrer l'importance du tawhid, Une fois qu'on a compris l'importance du tawhid, c'est la chose la plus importante dans la religion de l'islam. Ok, d'accord, mais ça nous emmène à quoi? Quel est le résultat de celui ou qu'est-ce qui attend celui qui l'a mis en pratique? Eh bien, c'est ça. Deuxième chapitre, les mérites du tawhid. Qu'est-ce qui attend le mouahid? Comment il est récompensé? C'est comme ça que le shir, il a classé le début de son livre. عنوانين الفضائل وتحصيلها ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا في وتحذيرا من الشرك. Et donc, il dit, il convient ici de citer les mérites ou le mérite du tawhid pour et son expiation de l'ensemble des péchés pour donner envie, pour donner désir aux gens de pratiquer, de réaliser le tawhid, pour faire partie de ces gens-là, dont les péchés sont expiés. Et, comme on le verra, le deuxième mérite qu'il cite, c'est de demeurer éternellement au paradis. Et aussi, le fait de mettre en garde les gens contre le shirk. Et surtout contre le shirk akbar. Puisque celui qui commet le shirk akbar, il sait que ces mérites-là, qu'il va citer dans ce chapitre-là, il ne pourra pas en bénéficier. Parce que du moment où il aura commis le shirk akbar et qu'il meurt sur le shirk akbar, ces mérites-là, de l'expiation des péchés et de pouvoir demeurer éternellement au paradis, c'est des mérites auxquels il n'aura pas droit. Donc citer ça, c'est appeler les gens. Faire désirer aux gens l'expiation de leurs péchés et de demeurer éternellement au paradis et de s'écarter, de mettre en garde les gens contre le shirk pour pouvoir jouir de ces mérites-là et de ne pas en être privé en ayant commis le shirk. Diwalbab al-Luratan al-Madhan il-Shaykh. واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا وليس مرادهم الحصر بل إنه المقصود بالذات والمعظم. Ce qu'ils appellent bab, les ulama, dans leur livre ou dans la langue arabe, ils disent que le bab, c'est ce qu'on utilise ou l'endroit par lequel on passe pour rentrer dans quelque chose. La porte de la maison, c'est ce qu'on utilise pour rentrer dans la maison. Et dans l'istilah de l'ulama, donc les ulama dans leur livre, ils utilisent ce mot pour citer ou pour évoquer un ensemble ou pour évoquer un ensemble de sujets qui concernent évidemment un sujet religieux si c'est un livre de dîn qui concerne la religion. Et dans ce livre-là ou dans ce chapitre-là, donc qui concerne un sujet précis, en dessous on a plusieurs séparations. C'est-à-dire qu'en dessous du chapitre, on aura des sous-chapitres dans lesquels on a à chaque fois des sujets, des masaïl. Et ça, les ulama, ensuite il dit « وَلَيْسَ مُرَادُهُمُ الْحَصْرِ بَلْ إِنَّهُمْ مَقْصُرُ بِالذَّاتِ وَالْمُعْظَمِ » C'est-à-dire que quand, par exemple, les ulama ils disent « Bab, je ne sais pas moi, Bab al-Kitab al-Tahara, Bab al-Miya » dans les livres de fiqh, donc le livre de la purification, le chapitre des différentes sortes d'eau, ce qu'ils visent, ce n'est pas qu'il va parler de toutes les masaïl, de tous les sujets qui concernent l'eau et l'eau avec laquelle on peut se purifier, les différentes sortes d'eau, etc. Mais c'est de citer la majorité des sujets qu'on trouve concernant ce sujet-là. Ou les principales questions qui sont liées à ce sujet-là. Le but, c'est pas de, ils disent, quand ils disent, le but, c'est pas de parler de tout ce qui existe dans ce sujet-là. Et ça, pourquoi les ulama, ils divisent les livres en chapitres, en sous-chapitres, en masail, en... C'est pour encourager l'étudiant, le talib al-ilm, à avancer et à ne pas couper. Parce que quand il y a des chapitres, quand il y a des sous-chapitres, ça va encourager. On commence un nouveau chapitre, on est content. Et quand on le termine, on est content aussi. Ça, c'est. Les ulama, ils disent, ça c'est important, ils disent que ça fait partie de. Ça fait partie de la nature de l'homme. On est toujours content quand on commence un nouveau livre. On commence à étudier un nouveau livre, on sent de la motivation, on sent de. Mais plus le temps il passe, plus on commence à sentir de la lassitude, c'est long, on est pressé d'arriver à la fin. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont divisé leurs livres en plusieurs parties. Par exemple, premier chapitre, ah, je commence le premier chapitre, je le termine. On sent une certaine réjouissement d'avoir fini une partie du livre. Alors, je vais attaquer la deuxième partie. Que s'il n'y avait rien, il n'y a qu'un seul chapitre, de la première page à la dernière, ce serait plus difficile et ça pousserait les gens plus à délaisser la lecture ou l'étude de ce livre-là. C'est pour ça que les ulama, ils ont divisé, ils ont classifié leur livre. Ensuite, le cheikh, il cite un premier verset. Donc, sous ce chapitre-là, où il va nous parler d'une partie des mérites du tawhid. Encore une fois, il ne vise pas l'ensemble, tout ce qui peut rentrer sous ce chapitre-là. Il va citer certains mérites du tawhid et, entre autres, son expiation de l'ensemble des péchés. Et il nous cite comme premier verset qui nous montre ça, la parole d'Allah Azzawajal dans Sourate Al-An'am, Allahu A'lam, c'est pas le numéro du verset, si c'est le verset 82. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Alladhina amanu, wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin. Donc ceux qui ont cru et qui n'ont pas mêlé leur foi, on verra ici que le sens de dhulm, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a expliqué par le shirk. Et que les salafs, ils ont expliqué ici au début du verset Alladhina amanu, al-iman par l'ikhlas. Donc ceux qui ont voué leur culte exclusivement à Allah et qui n'ont pas mêlé leur foi ou leur tawhid de quelque sorte de shirk que ce soit, alors à cela la sécurité. Et ceux-là sont les bien guidés. Sens approximatif du verset. Abdurrahman ibn Qasim al-Shir dit, en expliquant le sens du verset, Ay akhlasu al-ibadata lillahi wahdahu wa lam yakhlitu tawhidahum bi shirkim wa labs al-shay bi shay taghtiyatuhu bih وإحاطته به من جميع الجهات ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر وأصل الظلم وضع شيء في غير موضعه ومنه سمي شرك ظلما وسمي شرك ظلما والمشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها مستحقها. Donc, الَّذِينَ آمَنُوا, elle explique ça par أي أخلصوا العبادة لله وحده. Donc, ceux qui ont voué leur adoration à Allah جل وعلا seul. Sens de l'iman. الَّذِينَ آمَنُوا. Donc, c'est le sens de l'affirmation. Illallah, la ilaha illallah, affirmation, négation, affirmation, ça c'est le sens de l'affirmation. Akhlasu l'ibada lillah. Wa lam yakhlitu tawhidahuma bi shirk. et qui n'ont pas mêlé leur tawhid par du shirk. Donc, qui ont délaissé complètement le shirk. Ça, c'est un nafi. Dans Karimat al-Ikhlas, la ilaha illallah. Ici, il explique ce que c'est al-labs, ou al-am yalbisou. Al-labs ou shay bi shay, il dit c'est le fait de recouvrir quelque chose par une autre. Ou qu'une chose englobe totalement une autre chose partout, dans tous les sens. Et il dit, et ne recouvre la foi complètement que la mécréance. Donc il n'y a que la mécréance qui recouvre totalement la foi. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une explication linguistique, puisque même le kofor, le sens de le kofor, c'est tardir là-bas. C'est le fait de recouvrir quelque chose dans la langue arabe, dans la langue. Il dit que la base du dhulm, donc de ce qu'on peut traduire par l'injustice, c'est le fait de mettre une chose à la mauvaise place, de ne pas la mettre à sa juste place. Et c'est pour ça que le shirk, il a été appelé dhulm, il a été appelé injustice, parce que le shirk, c'est quoi? C'est le fait de mettre ou de donner l'adoration à quelqu'un qui ne la mérite pas, de mettre l'adoration au mauvais endroit, de la donner à celui qui ne la mérite pas. C'est pour ça qu'on appelle le shirk dhulm. Comme Allah Jalla wa'ala, il a appelé les mushrikin zalimin dans le Coran, et il a appelé le shirk dhulm, comme dans ce verset-là. Ula'ika lahum al-amn wa hum muhtadun. Donc la première partie du verset, c'est alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Ceux qui ont adoré Allah Azza wa Jal seul et qui n'ont pas mêlé leur tawhid de shirk. La récompense, c'est quoi? Ula'ika lahum al-amn wa hum muhtadun. Alors cela a eux la sécurité et ils sont, c'est eux, ils sont les bien guidés. Il dit ay hum al-aminun fi ad-dunya wal-akhirah. المهتدون إلى صراط المستقيم. Donc c'est eux qui sont en sécurité, que ce soit dans la dunya et dans l'akhira. Ils sont en sécurité dans la dunya parce qu'ils adorent Allah Jalla wa Ala seul et qu'ils ne commettent pas de shirk. Donc ils sont déjà en sécurité de subir ce que subit le mushrik ou le murtad comme had, comme punition infligée par le musulman, ou même par les punitions infligées qu'Allah Jalla wa Ala il inflige aux kuffar dans la dunya, c'est-à-dire le masaib, tout ce qui est les épreuves, etc., qu'ils subissent du fait de leur shirk. Ça, il est en sécurité de ces choses-là déjà dans la dunya. Il est en sécurité dans l'akhirah, c'est-à-dire de subir tous les châtiments qui commencent, comme on l'avait vu, par le châtiment de la tombe, puis le mawqif, puis tout ce qui s'ensuit. Si les mouahid, la hisab, les comptes, le sirat, il n'est pas en sécurité de ne pas tomber du pont, etc. Tout ce qu'on a vu dans le Wasitiyah. Et il dit, et ce sont les bien guidés aussi dans la dunya. Ils sont bien guidés dans la dunya et dans l'akhira. Donc dans la dunya, ils sont sur Sirat al-Mustaqim. On a vu que Sirat, il a deux sens aussi dans le Wasitiyah. Le Sirat, il est ma'anawi et il est hissi. Le Sirat al-Ma'anawi, donc c'est-à-dire c'est un chemin qui est métaphorique, c'est-à-dire le fait d'être sur l'islam, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'adorer Allah jalla wa ala seul et de l'adorer conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait ça, il est sur sirat al-ma'nawi, il est sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah il a dressé pour ses serviteurs. Et dans l'akhira, il est aussi guidé sur Sirat al-Mustaqim, sur Sirat, le pont qui est au-dessus de l'enfer, comme on l'a vu dans le Wasitiya. Croyance de Al-Sunna wa Jama'a. Donc il est bien guidé sur les deux sentiers, Al-Ma'anawi ou Al-Hissi. Et ولما نزلت هذه الآية ولما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا أن ظلم المشروط يعني المشروط عدمه فغجوتي سي عدمه كما دالله parle d'Ibn Taymiyyah ظنوا أن ظلم المشروط عدمه وظلم العبد نفسه وأنه لأمن ولا اهتدى إلا لمن لم يظلم نفسه فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. Lorsque ce verset, donc le verset de Surat Al-An'am, il a été révélé, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont éprouvé un poids. C'est un verset qui était pesant pour eux et qui était, comme on dit, mashaqqa, qui était lourd de sens. Et ils étaient un peu perdus et ils avaient peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que dans ce verset-là, le zulm, c'est-à-dire l'injustice, qu'Allah Jalla wa'ala, ou le fait de l'injustice qui va annuler ou qui va empêcher aux serviteurs d'être en sécurité et d'être bien guidé, c'est l'injustice que le serviteur il commet envers lui-même, c'est-à-dire en commettant des péchés. C'est ça qu'ils ont compris du verset. Ils ont compris que celui qui commet une injustice envers lui-même en commettant un péché, celui-là, il n'a aucune sécurité, il n'a aucune guidée, ni dans la dunya, ni dans l'akhira. Voilà comment ils ont compris le verset. Et là, c'est intéressant d'expliquer quelque chose, c'est que les compagnons, ils ont compris les versets conformément à leur langue, à la langue arabe. Pourquoi? Ici, il y a deux points qu'on comprend par la langue arabe et par ce qui en a fait, on va dire, par les règles de usul al-fiqh qui reposent sur justement la compréhension de la langue arabe, c'est qu'ils ont compris deux choses. Ils ont compris déjà ici que dans le verset on voit que zulm il est nakira, c'est-à-dire il est indéterminé. On n'a pas alif lam devant. Bi zulmin, donc on a tanwin. Il est nakira, il est indéterminé. Or, on sait que dans la règle de usul qu'on connaît, que un nakira fi siyaq un nafi yufid al-umum. C'est-à-dire un mot qui est indéterminé, qui vient dans un contexte, dans une phrase négative, il nous indique la globalité. Et c'est pour ça que eux, ils ont compris que le zulm dans ce verset, c'est n'importe quel zulm. Tout ce qui s'appelle zulm, ça rentre dans le hukm. Et ils l'ont compris par leur langue, par la langue arabe. Et c'est pour ça que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la science de usul al-fiqh, elle est basée sur la langue arabe. La grande majorité des masa'il, des sujets de usul al-fiqh, c'est des sujets de langue arabe. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent, qui disent « Ouais, mais... les compagnons, ils n'avaient pas tout ça, les usul al-fiqh, usul al-hadith, toutes ces sciences-là qui sont venues, qui ont été, comment dire, rédigées après. Et les compagnons, ils n'avaient pas ces sciences-là. Mais c'est faux. Les plus grands usuli, c'était les compagnons. C'était les plus grands savants de la langue arabe, de leur langue. Et c'est par la langue arabe qu'on comprend tout, quasiment tout usul al-fiqh, ça repose sur la langue arabe. On voit que cette règle, donc nakira fi siyaq an-nafi ou fi siyaq an-nahy ou fi siyaq ash-shart yufid al-umum. Toutes ces règles-là, elles sont basées, c'est des règles à la base de langue arabe. Et que les compagnons, ils ont compris ça avec leur langue. Et donc, qu'ils appliquaient déjà, même si on n'appelait pas ça usul al-fiqh et tout, ils appliquaient déjà ces règles, conformément à la compréhension qu'ils avaient de leur langue. Donc ça, c'est important. Donc, bi-zulmin, ils ont compris, eux, que le zulm ici, qu'Allah Jalla wa'ala il cite dans ce verset-là, c'est zulm, ou ce qu'on appelle mutlaq al-zulm. C'est-à-dire, tout ce qui s'appelle zulm. C'est-à-dire, l'abd, il ment, il boit de l'alcool, il fait zina, il commet des péchés, khlas, il n'a aucune sécurité, ni dans la dunya, ni dans l'akhira. Il est foutu dans d'autres termes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré, il leur a expliqué quoi? Il leur a expliqué qu'ils avaient mal compris le verset et que le péché qui va retirer ou qui va empêcher toute sécurité et toute guidée, c'est le shirk akbar. C'est ça le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire quoi? C'est de dire que le péché, le seul péché qui va empêcher ou qui va détruire toute sécurité et toute guidée, c'est le shirk akbar. C'est pour ça qu'il dit, les compagnons, ils ont posé la question, selon leur compréhension, ils ont dit, envoyé d'Allah, qui c'est qui n'a pas commis une injustice envers lui-même? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien compris que eux, ils avaient compris que le zulm ici, c'était zulm al-abdi lin-nafsi. Le serviteur qui commet un simple péché. Et il leur a répondu, il leur a dit, laysa kama taqul. Ici, ce qu'il faut comprendre, selon, comme les ulama, ils ont expliqué, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu leur montrer que le péché qui va annuler toute guidée et toute sécurité, c'est le shirk akbar. Pour ça, il dit, لَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِذُلْمْ بِشِرْكٍ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانِ إِنَّ شِرْكَ لَذُلْمٌ عَظِيمٌ. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué le Coran avec le Coran et il a montré que il a expliqué le sens du zulm avec un autre verset. Le verset de sourate Luqman où Allah subhanahu wa ta'ala il dit que inna shirka la dhulmun azim, que l'association, le shirk, c'est une grande injustice. Et qu'Allah jalla wa ala, il a appelé shirk, il l'a appelé injustice, il l'a appelé zulm. Et que le zulm, dans le verset de sourate Al-An'am, le zulm, ce qu'on appelle zulm al-mutlaq, c'est-à-dire l'injustice totale, globale, c'est celle-là qui va annuler toute guidée et toute sécurité, et c'est le shirk akbar. Non. Il y en a qui tirent aussi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. Professeur Salim, il n'a pas dit بشرك الأكبر. Il a dit بشرك. Et on peut prendre de ça que lorsque le shirk il vient dans les textes, que ce soit le Coran ou la Sunna, la base, c'est que ce qui est voulu, c'est le shirk akbar, pas l'asghar. Et pareil pour le kufr. La base dans les textes, dans le Coran et dans la Sunna, c'est que quand est évoqué le shirk ou le kufr, ce qui est voulu, c'est le grand, l'akbar. À moins qu'il y ait un indice, quelque chose qui va nous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu ce qu'on appelle kufr ou duna kufr. Sinon, la base, c'est que c'est le grand, shirk ou le grand kufr. Il dit, فَبَيَّنَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّ مَنْ لَمْ يَلْبِسْ إِمَانَهُ بِهَذَا ذُلْمِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْنِ وَالِهْتِدَى كَمَا كَانَ أَيْضًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِفَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ فَمَنْ سَلِمَ مِنْ أَجْنَاسِ الظُّلْمِ الثَّلَاثَة الشرك وظلم العبادة في النفس أو مال أو عرض وظلم نفسه بما دون شرك كان له الأمن تام والاهتداء تام ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه كما لو ظلمها ببخله ببعض الواجبات حبا للمال أو أحب ما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله ونحو ذلك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré aux compagnons en citant le verset de Sourate Al-Luqman que celui qui ne mélange pas son tawhid au shirk akbar, donc là, il ne mélange rien, il n'y a plus de tawhid. Donc celui qui ne commet pas le shirk akbar, il fait partie des gens qui auront la sécurité et qui seront guidés. Comme ils sont les gens, ils font partie des gens qu'Allah Jalla wa Ala, il a élus. Ahl al-istifa. Comme c'est cité dans le verset qu'il a cité. Ensuite, nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Et parmi eux, il y a celui qui commet de l'injustice envers lui-même. On avait déjà vu ce verset. Dans ce verset-là, on voit que le tawhid, il a plusieurs degrés. Que le muwahhid, il n'est pas à un seul niveau. Que le tawhid, ce n'est pas une seule chose. Mais dans les muwahhid, dans les gens qu'Allah Jalla wa Ala, il a élus, ce qu'il appelait Ahl al-Istifa, Istafayna, Al-Ladhina Istafayna, il y a des gens qui commettent du dhulm envers eux-mêmes, c'est-à-dire en faisant des péchés. Et pourtant, ils font bien partie de des gens qu'Allah il a élus. Et ils font partie des gens qui auront une certaine sécurité et une certaine guidée dans la dunya comme dans l'akhira. Ça qu'après il dit, donc celui qui est saint, c'est-à-dire qui s'est écarté des trois sortes de dhulm, qui sont le shirk, qui sont l'injustice qu'on commet envers un autre serviteur, que ça soit dans son argent, que ça soit dans ses biens, que ça soit dans son sang ou que ça soit dans son honneur, et aussi qu'il délaisse le dhulm, l'injustice qu'il commet envers lui-même en faisant des péchés, alors celui-là, il a la guidée et il a la sécurité totale. Et il fait partie soit de ce qu'Allah Jalla wa Ala, il a appelé Al-Muqtasid ou Al-Sabiq bin Khayrat, dans le verset qu'il a suivi, qu'il a cité là, sauf qu'il s'est arrêté à la première sorte. Le verset c'est ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابِ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِلنَّفْسِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc Allah Jalla wa Ala, il a cité trois sortes de gens qui ont réalisé le tawhid, mais pas tous au même niveau. Les premiers, ظالم للنفس, c'est quelqu'un, il est mouahid. Il a adoré Allah Jalla wa Ala seul. Il a délaissé le shirk akbar. Mais il a commis des péchés. Il a fait certains interdits, il a délaissé certaines obligations qui annulent pas l'islam. Donc on enlève de là la salat, par exemple. Il a fait des actes. Mais il a commis des injustices envers lui-même, il ne s'est pas repenti. Donc celui-là, il a une partie de la sécurité et de la guider. Pas comme l'ont compris les compagnons, radiyallahu anhum. Eux, ils ont compris que même celui-là, là, il n'a rien, il n'a aucune sécurité, il n'a aucune guidée. Alors que ce verset-là, il montre bien ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle Asl al-Iman, Asl al-Tawhid. C'est des gens, ils ont réalisé le Tawhid. Mais ils n'ont pas réalisé ce qu'on appelle Kamal al-Iman al-Wajib. Ça, on l'avait vu dans le Wasitir. On a Kamal al-Iman al-Wajib, on a Asl al-Iman. Ça, c'est le tawhid. Celui qui adore Allah Jalla wa Ala seul, qui délaisse le shirk akbar. On a Kamal al-Iman al-Wajib. Ça, c'est quelqu'un non seulement qui ajoute sur la base le fait de faire les obligations et de s'écarter des interdits. Il fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné et il s'écarte de ce qu'Allah il lui a interdit. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il commet jamais de péché. Ça, on l'avait vu aussi dans le Wasitiyah. Mais quand il fait un péché, il s'en repent. Il ne reste pas campé sur des péchés, sur des grands péchés, sans s'en repentir. On avait vu que même les compagnons, ils ne sont pas protégés. On avait dit ma'soum des péchés. On a vu que certains d'entre eux, ils ont commis des grands péchés. Mais c'est des gens qui se repentaient. Et ensuite, on a ce qu'on appelle Kamal al-Wajib al-Mustahab. C'est quelqu'un qui va encore rajouter au-dessus de ça, quoi? Le fait de faire des choses qui sont mustahab et de délaisser al-makruhat, des choses qui sont détestables. Donc celui-là, c'est al-sabiq bil-khayrat dans l'ayah. Et on verra dans le chapitre suivant que al-sabiq bil-khayrat, c'est lui qui est même pas jugé. Il n'y a même pas de jugement. Il rentre direct au paradis. Alors que le muqtasid, le deuxième, celui qui réalise Kamal al-Iman al-Wajib, celui-là, il est jugé, mais il n'est pas châtié. Alors que le premier, Zalim qui a commis des péchés, celui-là, encore une fois, il a affaibli son tawhid et il est sous la menace. Allah Jalla wa Ala, il peut le châtier. Comme il peut lui pardonner, comme il peut bénéficier de la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam et encore d'autres choses. Mais ce qu'il veut montrer ici, c'est que Zalim nafsi, ou le dhulm qui est visé dans Surat Al-An'am, le dhulm qui va annuler toute guidée et toute sécurité, c'est bien le shirk akbar. Ensuite, il poursuit en disant وَمَنْ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ ظُلْمِهِ لِنَفْسِهِ. C'est-à-dire celui qui s'est écarté du shirk, mais qui a commis des péchés envers lui-même, pardon, une injustice envers lui-même, c'est-à-dire en commettant des péchés. Et qui s'en est pas repenti. Celui-là, il dit lahu al-amnu wal-ihtida mutlaqan. Ou alors on peut dire wa lahu mutlaq al-amn wa mutlaq al-ihtida. On l'avait déjà vu ça aussi dans le Wasidir. On a la différence entre al-shay al-mutlaq wa mutlaq al-shay. Al-shay al-mutlaq, c'est la chose complète, parfaite. Et mutlaq al-shay, c'est la plus petite chose qu'on peut appeler par ceci. C'est-à-dire, mutlaq al-iman, c'est le minimum qu'on doit avoir pour pouvoir appeler cette chose-là iman. S'il n'y a pas ce minimum-là, il n'y a pas d'iman. Et l'iman al-mutlaq, c'est l'iman complète. Donc ici, il dit وَمَنْ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ ظُلْمِهِ لِنَفْسِهِ كان له الأمن والاهتداء مطلقا. Alors, on peut dire له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء. C'est-à-dire, il a la base de la sécurité et la base de la guidée, il l'a parce qu'il a réalisé le tawhid. Il a adoré Allah seul, il n'a pas fait de shirk akbar. Il a asl le tawhid, la base. Et là, il dit بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك. Et ceci, c'est un autre mérite du tawhid. Et c'est pour ça que le shir, il cite ce verset-là dans ce chapitre-là. C'est que quelqu'un qui réalise le tawhid, la base du tawhid, qui adore Allah Jalla wa Ala seul, qui se désavoue du shirk, il ne peut que demeurer au paradis éternellement. Même si avant ça il est châtié. Même s'il fait partie de Zalim li Nafsi. Il a commis des péchés, il ne s'est pas repenti, Allah Jalla wa Ala, il peut le châtier, s'il veut. Mais sa fin, elle est au paradis. Ça, c'est la croyance de l'Sunna wa Jama'a. Contrairement, comme on l'avait vu dans le Wasitiya, Al-Mu'tazila et Al-Khawarij. Sa fin, elle est au paradis éternellement. Et ça, c'est un, ou peut-être le plus grand mérite du Tawhid. Celui qui meurt Mu'ahid, sa fin, elle est au paradis éternellement. Quoi qu'il arrive avant. Et par contre, il dit que cette sécurité-là et cette guidée-là, elle sera diminuée conformément au péché qu'il a commis. C'est-à-dire, conformément à sa diminution de foi, eh ben, il aura la même diminution de sécurité et de guidée dans la dunya et dans l'akhira. Et là, il donne des exemples de zulm, zulm al-abdi li nafsi, c'est une parole d'Ibn Taymiyyah à la base. Il dit comme celui qui va délaisser certaines obligations. Ici, il cite par exemple celui qui délaisse, qui ne donne pas la zakat. Il dit parce qu'il est avare et il va délaisser cette adoration-là par amour pour l'argent. Par amour pour l'argent, il va délaisser, cette grande obligation qu'est la zakat. Et c'est pour ça que les ulama ils rentrent ça dans ce qu'ils appellent jins ibn Taymiyyah, ils rentrent ça dans ce qu'on appelle jins shirk. Jins shirk. Parce qu'en fait, il a tellement aimé l'argent que ça l'a poussé à désobéir à Allah Jalla wa Ala. Ça ne l'a pas poussé à commettre le shirk akbar. Donc, ce n'est pas l'amour dont Allah Jalla wa Ala il parle. Ou min al-nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ça, c'est celui qui aime tellement une chose que cet amour-là, il va le pousser à faire de la mécréance. Là, ça ne le pousse pas à faire de la mécréance, ça le pousse à faire un péché. Mais c'est pour ça qu'il y a certains ulama qui ont dit que ça rentre dans jins et shirk. Il dit, ou bien quelqu'un qui a aimé ce qu'Allah déteste. Et ça l'a poussé à faire devancer ce qu'il aime et à désobéir et à délaisser l'ordre d'Allah et à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il y a quelque chose qui est important à comprendre. Quand il dit ça, il ne faut pas comprendre, c'est quelqu'un qui aime ce qu'Allah il n'aime pas. Ou quelqu'un qui déteste ce qu'Allah il aime. Parce qu'il faut faire attention, il y a deux choses. Il y a le fait de détester l'ordre d'Allah, ça c'est de la mécréance. Quelqu'un, par exemple, qui déteste le fait qu'Allah Jalla wa Ala, il est légiféré, par exemple, le hijab pour la femme. Le fait que la femme, elle doive se couvrir. Il déteste ça, ça le répugne. Ça, c'est du kufr. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est des fois, il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré, il nous a rendu obligatoire ou il nous a interdit, mais c'est difficile pour le nefs, ce qu'on appelle le hub nefsi ou le kurh nefsi. Comme Allah Jalla wa ala, il dit, kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhul lakum. Le jihad vous a été prescrit. Et il est pour vous détestable dans le sens où la personne, elle n'aime pas le djihad. Pas dans le sens où Allah, il a légiféré, il déteste la législation d'Allah. Ça, c'est du kufr. Mais il n'aime pas ça dans le sens nefsi. C'est-à-dire, il sait que dans le djihad, on est blessé, on se fait tuer, on risque la mort, etc. Donc le nefs, il n'aime pas ça, ça le repousse. Mais la personne, elle doit aimer le djihad, elle doit aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Donc ça, c'est quelqu'un, il aime l'argent. C'est comme ça, son nefs, il aime l'argent, il aime ça. Et cet amour-là pour l'argent, ça va le pousser à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas le fait qu'il déteste, par exemple, l'amr shar'i. Il déteste la législation, il n'aime pas qu'Allah lui ait imposé une zakat. Il refuse ça, il ne veut pas s'y soumettre, il déteste ça. Ça, c'est du kufr, clairement. Ça rentre dans le verset où Allah dit فَلَا وَرَبِّكَ لَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَيَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ. Qu'ils trouvent rien dans leur âme, en eux-mêmes, حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ, une gêne par rapport à ce que tu as, par rapport à ce dont tu as jugé. Quelqu'un qui éprouve en lui-même du dégoût pour le hukm d'Allah, c'est, il n'a pas réalisé la foi, la base de la foi. Mais là, il parle ici de l'hub nafsi. Ça, c'est important. Et on le voit bien dans le verset où Allah dit « Kutiba alaykum al-qital wa huwa kuruhul lakum ». Allah, il a légiféré le combat et il est détestable dans le sens, il est difficile pour nous, pour notre nefs. Parce qu'encore une fois, le djihad, on se fait tuer, on se fait blesser, etc. On souffre. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a une différence entre deux choses. La personne, elle n'est pas croyante tant qu'elle n'accepte pas la charia d'une manière complète. Tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, on doit l'accepter et accepter de s'y soumettre. Et on doit l'aimer. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on va tout mettre en application, qu'on ne va jamais désobéir? Non. Mais quand la personne qui est musulmane, mais qui commet un péché, ce qui va le pousser à commettre ce péché-là, entre autres, c'est justement le fait de faire devancer son hawa. Par exemple, quelqu'un dans le jahiliya, il buvait de l'alcool. Il aime l'alcool, c'est comme ça. Son nefs, il aime l'alcool, il aime ça. Il reçoit l'interdiction d'Allah Jalla wa'ala, l'interdiction de boire de l'alcool. Il aime l'ordre d'Allah. Il accepte cet ordre-là. Il s'y soumet intérieurement. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne va jamais boire d'alcool? Non, parce qu'il va faire devancer son hawa. Il va faire devancer l'amour que son nefs il a pour l'alcool, il va le faire devancer sur l'ordre d'Allah, il va commettre le péché. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'ordre d'Allah. C'est deux choses différentes. C'est important de comprendre la différence. Il dit « وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بشرك الشرك الأكبر فيؤخذ منه أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن تام والاهتداء تام بل مراده صلى الله عليه وسلم نفي نوعي الشرك فإن أهل الكبائر معرضون للوعيد مع أنها دون الشرك الأصغر بإجماع أهل السنة ومع ذلك لم يحصل لهم الأمن تم والاهتداء تم كما وردت به نصوص الكتاب والسنة فصاحب الشرك الأصغر أولى باللحوق الوعيد له فظهرت متبقة الآيات للترجمة وذلك أن من مات على التوحيد لم يلبسه بشرك نعم لم يلبسه بشرك فله الأمن على ما تقدم بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه فتبين بذلك أفضلية التوحيد وأنه السبب في النجاة من النار. Il dit le sens de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu dire. C'est pas que le shirk. Donc ici, il faut bien suivre, parce que c'est un peu la manière dont il l'a dit, on peut mal comprendre. Il dit le sens de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce qui est voulu par le shirk, c'est pas simplement le shirk akbar. Et à ce moment-là, on prendrait de ça que quelqu'un qui a délaissé le shirk akbar, il bénéficie d'une sécurité totale et d'une guidée totale. C'est-à-dire il a juste délaissé le shirk akbar, mais il fait du shirk asrar, il fait des grands péchés, il s'en repent pas, etc. Il bénéficie d'une sécurité complète, parfaite, totale, et d'une guidée totale. C'est pas ça le sens. Mais le comme il le dit après. Il dit, mais le sens de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a visé, c'est les deux sortes de shirk. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Il dit, فَإِنَّ أَهَلَا الْكَبَائِرِ. Il dit, parce que les gens qui ont commis des kabaïrs, ils sont sous la menace d'Allah jalla wa ala, d'être châtiés. Il dit alors que les grands péchés, c'est quelque chose qui est moins grave que le petit shirk à l'unanimité des gens de la sunna. À l'unanimité des gens de la sunna. Il dit, avec ceci, les gens qui commettent les grands péchés ne bénéficient pas d'une guidée totale et d'une sécurité totale. Donc, en commettant le shirk asrar, encore moins. Celui qui commet le shirk asrar, il aura encore moins la sécurité et la guidée totale que celui qui commet des grands péchés. Parce que les grands péchés sont moins graves que le petit shirk. C'est ça ce qu'il veut dire. En gros, ce qu'il veut dire, c'est quoi? Il faut bien, comme on l'a dit avant, le sens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a voulu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que pour bénéficier, ou du moins par rapport à la question des compagnons, pour bénéficier de la sécurité et de la guider, il faut délaisser le shirk akbar. Il faut délaisser le shirk akbar. Mais le fait de délaisser le shirk akbar, ça ne veut pas dire qu'on va jouir de la sécurité et de la guider totale. Pour ça, il faut délaisser le shirk asrar. Et il faut délaisser aussi les grands péchés. Celui-là, on a vu qu'il rentre dans le sens soit de l'muqtasid, soit de sabiq bil khayrat, et qu'il a réalisé ce qu'on appelle kamal al iman al wajib ou kamal al iman al mustahab. Et que c'est celui-là qui a un tawhid assez fort qui est assez lourd dans la balance pour être plus lourd que tous les autres péchés s'il en reste. Parce que, bon, là, il n'a pas cité, si vous regardez dans Fath al-Majid, Abdelrahman ibn Hassan, il a cité des longues paroles d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il explique dans Kitab al-Iman que la personne, à chaque fois qu'elle va commettre des péchés, que ce soit le shirk asrar, ou qu'elle commette des grands péchés, qu'elle s'en repent pas, à chaque fois ça va affaiblir son tawhid. C'est-à-dire que le tawhid, il est plus assez fort, il est plus assez lourd pour contrebalancer avec tous ces péchés-là. Et on va trouver que la personne, au bout d'un moment, elle va avoir du mal à obéir à Allah, parce que son tawhid, il est faible. C'est quelqu'un, même dire la shahada, c'est dur pour lui. C'est quelqu'un qui aime fréquenter les gens du mal, les gens qui commettent des péchés. C'est quelqu'un, le dhikr, le rappel d'Allah, ça va l'ennuyer, il va s'en écarter, ça va le saouler, subhanallah. Par contre, il aime l'accompagner des gens, de le rafla, des gens qui parlent de tout et de rien, ou des gens qui commettent des péchés. Ça, c'est parce que son tawhid, il est en train de s'affaiblir. Et qu'il n'a plus l'ikhlas total. Évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui commet du shirk akbar, parce que là, il n'y a plus de tawhid. Mais il n'a pas l'ikhlas total. Il n'a pas une sincérité totale. C'est-à-dire que ce qu'il dit par sa bouche, ça ne correspond pas totalement à ce qu'il y a dans son cœur. Et de la même manière, il n'a plus une certitude non plus complète. Quelqu'un, il a le yaqin, mais juste la base du yaqin. Et s'il y a une choubaha qui rentre, ça va l'ébranler. Ça, c'est le sens de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué. Et donc, pour résumer, que celui qui s'écarte du shirk akbar, lui, il a la base de la guidée et la base de la sécurité, et sa demeure, c'est le paradis, éternellement. Sa fin, l'aqiba, le ma'al, c'est le paradis. Et ça, c'est le plus grand bienfait du tawhid. Pour bénéficier de la guidée et de la sécurité complète dans la dunya et dans l'akhira, ça demande plus. Ça demande d'avoir un tawhid. Ça demande au moins de réaliser ce qu'ils appellent kamal al-iman al-wajib. C'est-à-dire de délaisser le shirk akbar et de délaisser ou de se repentir des grands péchés. Ça, c'est ce qu'il faut pour bénéficier d'un tawhid complet. Et au-dessus de ça, on a Kamal al-Iman al-Mustahab, celui qui va délaisser les choses qui sont makruh et qui va faire des choses qui sont mustahab. Et c'est le sujet du troisième chapitre. Troisième chapitre, Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bi ghayri hisab wal adhab. Celui qui accomplit le tawhid complet, parfait, il rentre au paradis sans jugement et sans châtiment. Et c'est celui, on verra, qui délaisse certains sebeb qui sont makruh, qui sont détestables. Il dit, et là, on voit, il apparaît le lien qu'il y a entre le verset que le shir il a cité et qu'il y a entre le titre du chapitre. Encore une fois, le titre du chapitre, c'est quoi ? C'est le chapitre du bienfait, des mérites du tawhid et de son expiation de l'ensemble des péchés. Et le verset nous montre quoi ? Le verset nous montre que celui qui délaisse le shirk akbar, ça, il aura la sécurité et il sera bien guidé et sa fin sera le paradis éternel. Et ça, c'est le mérite du tawhid. C'est que le muwahhid, il termine au paradis et ça sera sa demeure éternellement. Même si avant, il est châtié. Même si avant, il est châtié. Comme il dit, وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ. C'est lui qui meurt sur le tawhid et qui n'a pas commis de shirk, plus de shirk akbar, alors il a la sécurité, il a la guidée en fonction du niveau de son tawhid, comme on l'a vu avant. En fonction de son niveau de tawhid, des péchés qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, ou dont il s'est repenti ou il ne s'est pas repenti, etc. Il dit, et ceci contrairement aux autres actions. C'est-à-dire, il n'y a que le tawhid, quand tu le réalises, qui te permet de demeurer éternellement au paradis. Toutes les autres actions, elles n'ont pas ce mérite-là. Quelle que soit l'action. Puisque celui qui réalise pas le tawhid, il est mushrik. Et le mushrik, déjà à la base, il n'a aucune bonne action. Toutes ses bonnes actions, elles sont nulles. Il n'y a que le tawhid qui a comme mérite, qui a comme bienfait de mener celui qui le réalise au paradis et d'y demeurer éternellement. Et ça, c'est le lien qu'on fait entre ce qu'il appelle le wajh mutabaqat al-ayat li-tarjama. Encore une fois, dans le tarjama, dans le titre du chapitre, le shir il met un hukm. Le hukm, c'est quoi ? Là, il n'y a pas de hukm, mais il parle du bienfait du tawhid, du mérite du tawhid, et en dessous, il met des textes. De ces textes-là, on tire les bienfaits du tawhid. C'est des preuves sur le titre du chapitre, qu'il a mis dans le chapitre, le titre qu'il a mis au chapitre. Et donc là, on tire de ce verset-là que celui qui délaisse le shirk, Akbar, il a réalisé la base du tawhid et sa fin, quoi qu'il arrive, elle sera au paradis. Et c'est ça, le plus grand mérite du tawhid et le plus grand bienfait dont bénéficie le muwahhid. C'est pour ça qu'il dit « وَأَنَّهُ سَبَبَ فِي النَّجَاةِ مِنَ النَّارِ » Et c'est la cause par laquelle Allah Jalla wa'ala il va le sauver du feu, au moins du feu éternel en réalisant donc la base du tawhid. Inch'Allah on va arrêter là. La prochaine fois on continuera avec le hadith de Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, qui a à peu près le même sens dont on tire le même enseignement que du verset de Surat Al-An'am qu'on a lu aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous mette parmi les gens de l'âme ou l'ihtida ou l'istifa, c'est-à-dire des gens qui réalisent au moins la base du tawhid. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.